en salle qui a une grande, grande moustache. Puis il rit tout le temps. Puis j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'elle pique. OK. Je pensais que c'est parce que c'est un gars qui avait du bout. Il y a, je pense qu'il y a une question préalable que quelqu'un se pose ici, que je vais te laisser répondre. la question, je peux te la lire aussi, si tu veux. Ben oui, j'aimerais bien l'entendre. Alors, quelqu'un se demande pourquoi avoir choisi cet idiot pour t'interviewer. Mais on sait que c'est signé Suzanne Marino, donc c'est familial, quoi. Hein? C'est ça. Ben, tu diras à ta sœur que la prochaine fois, elle n'a qu'à pas venir. Ou à pas poser ce genre de questions. Voilà. Bon, je passe aux questions, parce qu'on en a beaucoup. Aux questions sérieuses. Questions sérieuses et valables, bien entendu. Quel est le paravent qui cache à l'être humain de 1988 l'extrême urgence de cesser la pollution? Quand investirons-nous dans la dépollution l'énergie qu'elle mérite? Il n'y a aucun paravent qui cache à l'être humain en 1988 l'extrême urgence de cesser la pollution. Le problème, c'est que 95% de la planète sont constitués d'animaux humains, et c'est eux qui ne voient pas, et c'est eux qui polluent surtout. Les êtres humains de la planète en 1988 savent qu'on doit cesser de polluer. Bien entendu, ils n'iront pas s'acheter un cheval pour commencer à faire Montréal-Québec. Ils vont continuer à servir de leur automobile alors que technologiquement, on pourrait s'arranger pour ne plus polluer. Par contre, la majorité des animaux humains, ceux qui vivent en troupeau, ceux qui attendent que tout le monde le fasse pour le faire, ceux-là ne voient pas encore l'intelligence de dépolluer. C'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas tellement que c'est pollué. Pour voir l'urgence d'un État, de constater l'État, alors que ce n'est pas le cas dans la majorité des cas, les êtres humains vont voir l'urgence de contrôler les femmes, l'urgence d'éduquer leurs enfants pour qu'ils retournent à l'église, l'urgence d'éliminer la police lors des grèves, l'urgence d'avoir des augmentations de salaire, l'urgence de prendre des vacances, l'urgence de ce genre de choses. Alors qu'ils ne voient absolument pas l'urgence. J'ai même rencontré des gens qui parlaient de dépolluer et qui fumaient. Bon, c'est déjà un problème. Quand on voit un véhicule de la Ville de Montréal écrit « Service d'environnement » et qui ne marche pas au gaz naturel, c'est peut-être « Service de l'environnement ». Il fait partie des contingents qui polluent. Est-il possible de communiquer avec mon gnome? Et si oui, de quelle manière, en parlant à voix audible dans ma tête ou autre? Non. Avec une voix mentale en s'adressant à l'astral, on peut parvenir avec suffisamment d'autorité mentale dans l'astral, à concilier, disons, la mécanicité astralo-vitale, donc travailler avec le gnome. Mais lorsqu'on arrive à avoir une autorité mentale dans l'astral suffisamment puissante pour cela, déjà les gnomes sont déjà nos serviteurs. Communiquer avec son gnome, on peut. Autrement dit, communiquer avec son corps, la première chose, c'est d'arriver à vivre en étant beaucoup plus conscient de toute la structure énergétique de son corps physique. Cela veut dire que chaque fois que l'on bouge, on doit sentir toute la motricité énergétique. Un exercice qu'on peut faire pour s'entraîner, c'est de se pratiquer à pousser quelque chose. Et à un moment donné, on va sentir comme une espèce de résistance en avant. Ce ne sera pas une vraie résistance. C'est le corps vital qui devient un peu plus fluide. Et le corps vital, c'est le gnome. Alors, ayant conscience du gnome et en mangeant, en ayant conscience de ce que le corps fait, en marchant, en faisant toutes les gestuelles que l'on fait quotidiennement, en ayant totalement conscience de l'énergie vitale qui anime notre corps physique, en le sentant, on finit par le sentir, on peut même le communiquer, eh bien, on est en intime contact, communication avec le gnome. Et lentement, le gnome va recommencer à reprendre plaisir à habiter avec vous, et le corps physique va aussi pouvoir fleurir un peu plus. Deux questions associées. L'homme, en se surénergisant, se densifie-t-il à la manière d'un trou noir? Et autre question, est-ce parce que l'homme deviendra trou noir qu'il voyagera plus vite que la lumière? Bon, effectivement, l'homme, en s'énergisant, augmente sa masse. Augmentant sa masse, il augmente la courbure spatio-temporelle dans son voisinage. Cela veut dire qu'il devient un peu plus attractif. Cela ressemble un peu à la création d'une étoile, d'une supernova, ou encore à l'effondrement d'une étoile de neutrons, ou encore un peu plus loin, la création d'un trou noir. L'homme nouveau, ce sont les choses que je dis, que j'explique normalement au niveau du séminaire. C'est avec un tableau, c'est plus facile d'arriver à comprendre l'idée. Mais l'homme nouveau va en arriver à avoir une densité, une masse telle qu'apparemment la structure chimique sera la même, la structure atomique sera similairement la même, sauf que l'électron couvrira, disons, voyagera autour du noyau à une vitesse tellement plus énergique qu'il ne voyagera plus, qu'il sera cristallisé autour du noyau, c'est-à-dire qu'on ne pourra même plus connaître sa position virtuelle. Présentement, on ne sait pas par où un électron passe, mais on sait où il a été, où il est. Alors que chez l'homme nouveau, l'électron n'est même plus observable, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il est instantanément partout. C'est ce qui va engendrer une conscience instantanée atomique dans le corps de l'homme. Cela va faire en sorte que la masse matérielle physique de l'homme va augmenter à un point tel que le temps va courber autour de lui. Alors, l'exemple le plus évident, c'est que si vous, par exemple, prenez une arme à feu et tirez une balle de fusil sur un homme totalement fusionné, la balle va s'aplatir sur lui, elle ne peut pas le pénétrer. Et aussi, notre homme nouveau, lorsqu'il prend son automobile, eh bien, il y a toujours un espace-temps ouvert devant lui, c'est-à-dire qu'il court tellement l'espace-temps à des êtres faibles autour de lui, que finalement, il avance comme un bateau dans l'eau, il sent l'eau derrière lui, l'eau n'est jamais brisée, et il avance sans jamais être pris dans le trafic, sans jamais attendre le métro, sans jamais attendre l'ascenseur. Tout est totalement coordonné en fonction d'un libre passage pour cet homme nouveau. Alors, dans le contexte d'un trou noir, le trou noir est un phénomène qui est tellement gravitationnel qu'il attire, qu'il courbe l'espace-temps à un point tel que la vitesse de la lumière, qui normalement aurait tendance à pouvoir échapper à l'attraction d'un contexte planétaire ou solaire, ne peut plus fuir. De ce fait, lorsqu'on observe une partie de l'espace et qu'on ne voit rien, c'est que la lumière dégagée par ce soleil massif n'est pas capable de s'échapper de la gravité de son soleil, et on voit du noir, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. L'homme nouveau, lui, va courber le temps et l'espace autour de lui jusqu'à un moment donné où il y aura suffisamment d'hommes nouveaux à l'échelle de notre planète que de toute façon, nous allons devoir échapper l'un envers l'autre par des transports séraphiques. Ce que j'ai dit là est un petit peu haut, sans doute. Et l'être humain va de cette façon pouvoir engendrer une accumulation des structures du passé mémorisées dans l'actuelle création. Et de ce fait, il va être capable d'absorber, c'est-à-dire d'attirer vers lui une grande partie de la création, c'est-à-dire une galaxie, un univers, des super-univers et finalement la création. Cela va faire en sorte que la collectivité d'hommes nouveaux, qui sera finalement rendue à ce stade pas plus de 12, à travers toute la création qui contient des super-univers, qui contiennent des univers, qui contiennent des galaxies, qui contiennent des systèmes solaires et des systèmes planétaires. Et dans la dernière phase, d'ici quelques 14 à 15 milliards d'années, la création n'aura jamais existé. Ben, c'est plus loin. Les alcooliques anonymes sont-ils négatifs à long terme, car ils parlent souvent de sauver l'âme? Les alcooliques anonymes, premièrement, il y a au moins ça de bon, sont anonymes. Ce qui aide énormément, parce qu'ils ne peuvent pas trop se faire manipuler par les forces astrales lorsqu'une personne rentre là-dedans. C'est plus difficile de posséder une personne qui pénètre dans les alcooliques anonymes. Deuxièmement, les alcooliques anonymes sont une structure qui permet d'aider énormément d'individus qui ont des grandes manipulations avec des mémoires réincarnationnelles de personnes qui avaient trop bu dans le passé. Troisièmement, ça permet à l'individu de se trouver une voie plus spirituelle et à travers la voie spirituelle, il arrive à contenir sa faiblesse bio-alcoolique et lentement, il arrive à se défaire d'une grande tare sociale, celle de l'oblitération de la conscience par l'alcool. Et cela lui permet d'être suffisamment réveillé pour pouvoir, après cela, s'ouvrir à d'autres horizons. Comme n'importe quoi qui devient traditionnel, si un jour cela a été yavik, un jour cela devient satanique. Si un jour cela vous a aidé, un jour cela pourra vous nuire. Les alcooliques anonymes, comme n'importe quoi, vous montent à un certain niveau. Si vous êtes en bas de ce niveau, ils sont positifs. Rendus à ce niveau, ils vont vous maintenir à ce niveau. C'est une tradition. Alors si on ne le quitte pas, ça devient négatif. Tout est bon, tout est mauvais. Une question infernale ici. Les gens dans le métro m'apparaissent souvent un peu monstrueux, plus que dans les autobus. Est-ce une illusion due à une plus grande proximité de l'enfer? Disons qu'effectivement, c'est un petit peu plus proche de l'enfer. C'est comme de dire, quand je monte sur ma chaise, je suis plus proche du soleil. C'est vrai. Mais si on prend des points de référence plus réels, c'est pas assez creux encore le métro. Il faudrait qu'on soit dans un métro à la Jules Verne. Est-ce que les gens sont plus monstrueux simplement parce que dans le métro, il y a les murs, il y a la roche, il y a la pierre et toutes les énergies qui sont dégagées par le stress des gens qui circulent dans le métro, parce que le métro, même si c'est l'un des plus beaux de la planète, est quand même un véhicule qui est extrêmement nerveux. Une rame de métro, c'est nerveux. Alors, le couloir du métro, les personnes qui s'engouffrent dans un couloir extrêmement noir, où on se promène, et puis de temps en temps, on rencontre la gang qui va l'autre bord, ceux qui sont compétents, et puis, veux pas, ça crée un stress qui est absorbé par la pierre, et étant donné que c'est souterrain, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments vivants à l'intérieur du métro qui puissent rayonner une autre onde de forme que celle absorbée simplement par le passage des humains, plus le métro vieillit, plus ce qui est rejeté en termes d'onde de forme par les murs est stressant, alors l'individu est suffisamment sensible. C'est sûr que si ça verrait dans un miroir, ça verrait peut-être aussi monstrueux que les autres. Mais un mineur qui travaille dans une mine profonde, est-ce qu'il peut avoir des contacts de basse vibration plus... Bon, la Terre est yin, le Soleil, l'extérieur est yang. L'être humain qui évolue dans un contexte yin-yannick, et finalement yan-yinnick, et finalement yan-yannick. Celui qui travaille comme mineur aura et a toujours eu plus de difficultés à s'en sortir pour la simple raison qu'il est dans un contexte bien souvent yin-yinnick. Sauf dans certains cas où on aura des mines d'or, où on aura des mines de diamants, mais bien souvent ce sont des mines à ciel ouvert, parce que de toute façon le yang est déjà présent au niveau du soleil. L'individu qui a une alimentation convenable avec suffisamment de végétaux peut quand même récupérer beaucoup de yang à partir de son alimentation, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. Alors l'individu qui travaille dans une mine est plus sujet, mais à être manipulé du point de vue yénique, d'avoir une conscience plus obscurcie, sauf que les murs dégagent une énergie hyper-tellurique qui n'est pas encore suffisamment infernale, parce que ce sont des plans purgatoriels qui sont à ce niveau-là de l'enfer. Et étant donné qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui sont venues creuser là avant lui, finalement, il n'est pas manipulé par les mémoires principales laissées, les traces mémorielles laissées par les humains. C'est moins dangereux de travailler dans une mine pendant 20 ans que de prendre le métro pendant 20 ans. Pourquoi dit-on à vos souhaits quand quelqu'un est revenu? Parce qu'on est niaiseux. C'est une tradition humaine de politesse. Oui, celui qui dit ça n'est pas niaiseux, mais l'humain est niaiseux de dire à vos souhaits. Comme on dit aussi, excusez-moi, c'est aussi con, moi je réponds, est-ce que tu as fait exprès? Non, ben excuse-toi pas de bord. Bon, c'est la même chose, alors à vos souhaits, ben on souhaite des souhaits. Normalement, moi quand on me dit ça, je souhaite que la personne disparaisse, ça marche jamais. Des souhaits, pas parce qu'on me dit à vos souhaits, je la regarde, je dis ça marche pas. Ça la comprend pas, mais... Est-ce que frauder les compagnies d'assurance est négatif ou positif, soit pour le monde de la mort ou pour l'intelligence? Frauder les compagnies d'assurance, c'est comme frauder n'importe quoi. C'est extrêmement intéressant. Ça permet la sécrétion des vendeurs et des directeurs des compagnies d'assurance. Ça permet aussi la sécrétion des fraudeurs. Ça amène du karma au niveau social. Ça pourrit nos sociétés. Ça pourrit nos structures réincarnationnelles, même si ça nourrit les archétypes du monde de la mort. Et il y a de l'intelligence à pourrir les archétypes du monde de la mort et à pourrir notre société. Ça permet le réveil des consciences, en ce sens que plus c'est pourri, plus on broye, plus on broye, plus on chiale, plus on chiale, plus on s'écœure. Plus on s'écœure, plus on peut parvenir à être écœuré, d'être écœuré, et finalement on se réveille. Par contre, certaines choses négatives doivent venir, malheur par qui elles viennent. Normalement, on s'arrange pour ne pas être de ceux qui auront un karma négatif à supporter à un moment donné. Ces choses doivent se faire, laisser faire, ceux qui n'en peuvent pas faire autrement. Par contre, celui qui le fait, bien qu'il aide l'évolution planétaire, il passera au fouet, ça c'est évident. Alors c'est donc préférable de ne pas frauder qui que ce soit, de façon à ce qu'on continue à instruire une partie de l'astral, qu'une société intelligente, ça se peut. On prépare simplement les terrains pour l'avenir. Même si aujourd'hui ça semble pourri, beaucoup d'individus avec vivent pour leur vie, alors qu'ils ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir ou ne conscientisent pas qu'ils se réincarneront. On doit toujours préparer les 500 prochaines années quand on est dans un contexte de vie. Alors, on s'arrange simplement pour préparer l'avenir de façon à ce qu'il soit adéquat à ce qui nous intéresse. Alors, plus on instruit le monde de la mort que l'homme est son seul maître et que telle chose, on ne le fait plus, plus on prépare les terrains. Et à un moment donné, ben, ces choses-là vont être capables d'être cristallisées dans le contexte planétaire. Nos sociétés seront gratuites. Tes commentaires sur le tueur de Turin ont soulevé des questions. Deux questions. Si la guenille date du Moyen-Âge, à qui a-t-elle servi de linceul? Et deuxième question, comment se fait-il que tu sais que c'est une guenille, le linge de Turin? Est-ce ton savoir instantané? Comment arrives-tu à ce savoir? Premièrement, le linceul qui entourait le corps du Nazaréen a été effectivement irradié par l'éthérification du double éthérique qui s'est fusionné au corps physique du Nazaréen, ce qui a fait en sorte que quelques heures après sa mise en tombeau, le corps du Nazaréen a carrément été dissous, s'est désintégré et il n'était plus là. Quand on a ouvert le tombeau, dans l'histoire, on dit que la pierre a roulé tout seul et qu'il n'y a rien sorti. Bon, mais quand on a ouvert le tombeau, il y avait un linceul là-dedans. Et le linceul, on l'a conservé comme étant une relique extrêmement précieuse dans les catacombes chrétiennes. Par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, on a retrouvé ce linceul qui a servi, premièrement, au niveau des Templiers, qui a servi aussi au Moyen-Âge en tant que structure de transmission d'énergie, exactement comme l'a été la lance de Longinus, comme l'a été aussi la coupe du Graal. Maintenant, beaucoup, beaucoup plus tard, il y a un bonhomme qui s'est réincarné, ce que j'ai dit là, je ne l'ai jamais dit non plus. Et dans cette époque, celui qui s'est réincarné dans un corps qui était extrêmement semblable, parce que c'était d'ailleurs le même corps, extrêmement semblable au corps de Lazare. Et c'était d'ailleurs Lazare, une tentative du comte de Saint-Germain de s'approprier un système moléculaire sans posséder aucun individu, alors que jusqu'à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, le comte de Saint-Germain ou Lazare a toujours été obligé de posséder un individu pour prendre possession de son corps, dont finalement il arrivait à faire certaines choses. À cette époque, il a tenté une ultime tentative, pour l'époque, celle de structurer un propre corps, et ce corps n'a pas été viable, on l'a reconnu, il s'est passé plusieurs choses sur lesquelles je vais passer, et on a enterré ce bonhomme à travers des dents sur linceul, et on l'a replacé dans un tombeau. Lazare avait revisité la vieille région où il avait vécu, mais finalement, le linceul a été créé ailleurs, il a été retransporté avec le corps de Lazare, dans le tombeau où Lazare lui-même avait déjà été apparemment mort, là où il n'avait rien, il avait réveillé. Parce qu'il n'était pas mort. Et c'est ce linceul qui, finalement, a été retransmis aux Templiers, qui a été oublié, qui a été retrouvé. Maintenant, c'est le linceul, enfin, c'était pas tout à fait seul. C'est la guenille date du... Oui, voilà. Comment se fait-il que tu saches que c'est une guenille? Le linge et mon savoir instantané, comment arrive-tu à ce savoir? Moi, j'en ai parlé depuis 4 ans, de quelle façon on arrive à ce savoir instantané. Le séminaire que je donne, quand même, en parle énormément un peu plus. Il y a d'autres façons de parvenir à obliger notre structure mentale à évoluer, à obliger notre ego à sortir de notre corps physique, à apprendre à contrôler notre système laryngé, à avoir suffisamment d'énergie mentale pour arriver à un contact supramental, où je prends ce savoir, je le prends là où il se trouve. Il est accessible à n'importe quel être humain, sauf que la majorité des humains préfèrent avoir accès à leurs connaissances. Donc, devoir continuellement apprendre pour avoir plus de connaissances, plutôt que de laisser simplement libre cours à leurs paroles et lentement arriver à réchauffer suffisamment leur savoir instantané. Parce qu'un être humain commence à dire n'importe quoi sans se fier à sa connaissance, et il dit des conneries. Bon, j'ai commencé aussi en disant des conneries. Tel un tuyau qui amène de l'eau chaude à votre robinet, lorsque vous l'ouvrez en plein hiver, c'est de l'eau froide qui sort. Si vous le fermez en vous disant « Merde, l'eau chaude ne marche pas », vous le fermez, vous attendez une demi-heure, vous le réouvrez pour voir si l'eau chaude va être là. Dans le tuyau, c'est encore de l'eau froide, l'eau chaude n'est pas encore arrivée. On doit laisser couler l'eau froide, on dit l'eau chaude, même si c'est l'eau froide qui coule, et après 30 secondes, une minute, on a l'eau chaude qui arrive. Lorsque l'être humain commence à avoir accès à savoir instantané, il commence à parler. Bien souvent, il s'écoute et il découvre qu'il dit des conneries. C'est-à-dire que c'est froid. Ce n'est pas sa connaissance, et ce n'est pas encore de l'intelligence, mais c'est un savoir instantané. Faux, c'est un savoir instantané. S'il peut continuer à parler, s'il apprend comment contrôler son agiteur de pensée, s'il apprend à devenir vivant, donc à exclure une partie de son ego, eh bien, il va être capable de laisser suffisamment l'eau froide sortir jusqu'à temps qu'il va commencer à s'instruire lui-même. Chaque être humain sur la planète a déjà exprimé, à un moment donné, un petit savoir instantané, que ce soit les anciens qui savaient quelle plante guérissait quoi, comment, prends-en, ça marche. Qui savait aussi se retrouver. Il était perdu, il n'était jamais perdu. Il ne savait pas où il était, mais il n'était pas perdu. Il se retrouvait toujours dans les forêts, un peu partout sur la planète, même encore aujourd'hui au niveau des peuples sauvages. Quand on regarde simplement les oiseaux migrateurs qui se dirigent carrément où ils doivent aller, même s'ils viennent au monde, au Canada, ils savent où aller après. Ils ne suivent pas nécessairement la gang. De toute façon, la gang ne sait pas non plus où aller. Alors, ce savoir instantané, il existe partout. L'humain y a accès, sauf que l'humain préfère avoir accès à sa connaissance. C'est d'ailleurs ce que les sociétés théologique et social instruisent à l'humain. Tu dois aller à l'école, tu dois apprendre parce que tu es une cruche. Quand tu es un enfant, quand un adulte dit quelque chose, on lui pose une question. As-tu un diplôme? On ne veut pas savoir si tu es intelligent, on veut savoir s'il a le droit de le dire. S'il dit non, il n'a pas le droit de le dire. S'il dit oui, même si c'est con, on va l'écouter. Alors si tu es intelligent, on va l'écouter aussi. Si c'est un enfant, on va lui dire, hey, pour que tu te prends. Parce qu'il ne peut pas être lui. Il faut qu'il soit la collectivité. La collectivité doit apprendre. Et non pas donné. Alors, nécessairement, à un moment donné, on finit par avoir suffisamment de coups de pied énergétiques qu'on laisse le savoir instantané s'exprimer. J'ai une série de 5 questions qui concernent Jésus. Allons-y. J'ai une série de 5 réponses. L'ego Jésus est-il réincarné présentement? Si oui, habite-t-il une île au Québec? Il y avait un bois. Oui. C'est oui. Est-ce que je te force à répondre plus précisément? Ta question pas mal niaiseuse. Non. Non. Et quand on parle des goûts de Jésus, ce sont les traces mémorielles de l'expérience de Jésus. Les traces mémorielles de l'expérience d'un enfant qui, à un moment donné, a été possédé par une énergie christique. Cela a donné en additionnant Jésus-Christ. Et le Christ Jésus fait surtout connaître l'appellation du Nazaréen parce qu'il appartenait à la secte nazaréenne. Et quelques 8300 ans après, on a baptisé un village Nazareth parce qu'on ne voulait pas qu'il vienne de la secte nazaréenne. Il y avait les Nazarites, les gentils, les Nazaréens, les thérapeutes, les Esséniens à l'époque. Alors on a décidé qu'il était Jésus le Nazaréen, en voulant dire provenance de Nazareth, alors que Nazareth n'existait pas à l'époque du Nazaréen. Alors quand on parle de Jésus, de l'ego de Jésus, on parle donc de l'expérience d'un enfant qui a vécu au contact de l'énergie christique et qui a été... Et qui s'est retrouvé sur une croix à un moment donné, dans un corps d'adulte, avec le Christ qui avait crissé son camp. J'ai déjà expliqué souvent que de toute façon, on est dedans. Et il a tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'est l'ego. Et il est mort. Cet ego a été placé dans un contenant éthérique, dans une forme de double éthérique, et puis il s'est réincarné dans une mémoire de Jésus. Quand il y a réincarnation de ces traces mémorielles, est-ce qu'il y a une affinité en fonction du rayon énergétique? Énorme. C'est-à-dire que la réincarnation, premièrement, pour que le Christ puisse appartenir, disons, investir le corps de Jésus qui était à l'époque un enfant, il fallait déjà que Jésus soit du même façon que le Christ. Deuxièmement, il fallait que l'ego de Jésus soit suffisamment beau pour qu'il n'y ait pas trop de guerre et de lutte. D'ailleurs, Jean le Baptiste avait trop d'ego. Il y a eu un refus suffisamment puissant pour que finalement le Baptiste devienne le précurseur du Nazaréen, alors que sa génétique était bonne, il y avait trop d'ego. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'il a tué. Et puis, l'ego du Nazaréen était suffisamment pur, suffisamment beau pour que le Christ, ou l'énergie christique, ou l'énergie supramentale, ou l'intelligence, ou l'esprit, ou comme on voudra, puisse l'investir. Et après de grands pourparlers, une trentaine d'années de pourparlers, finalement, l'ego de Jésus, qui a bloqué son évolution psychologique vers l'âge de 12 ans, donc ça restait donc un enfant. Et c'est pourquoi, encore dans la tradition, on peut parler de l'enfant Jésus, mais on ne parle jamais de l'adulte Jésus. On parlait de Jésus-Christ. Est-ce que Jean le Baptiste était du même faisceau énergétique? Jean-Baptiste était du même faisceau énergétique, sauf qu'une grande, grande partie de l'ascendance du Baptiste était d'un autre soleil. Donc, il y avait une immense partie, le même faisceau, mais qui provenait d'une sphère plus directe, avec une étape de moins, celle de notre soleil. Est-ce que tu es du même faisceau énergétique? Ah, ça me regarde. Est-ce que les gens dans la salle ici sont tous du même faisceau énergétique? Non. Combien de faisceaux énergétiques sont exprimés ici dans la salle? Un peu comme dans toutes les collectivités, il y en a 13. OK. On y reviendra plus tard. Comment l'esprit a-t-il pu quitter le corps du Nazaréen au moment de sa mort si cet esprit a ressuscité le corps par la suite? L'esprit est-il donc revenu après? L'esprit, donc, le Christ a quitté le corps du Nazaréen. Il aurait gagné le monde de la mort pour des choses, enfin, pour un travail qu'il devait faire. Il a dû gérer les mémoires liées à son faisceau qui avait vécu à l'époque et qui était mort pendant sa naissance, aller jusqu'à l'âge où lui-même est disparu sur la croix. Et il est revenu par la suite simplement que le double éthérique est revenu ramasser le corps du Nazaréen, l'éthérifier et terrifier les Romains. Et en éthérifiant ce corps, il a permis la création d'un double éthérique permettant la gestion, ça veut dire permettant la conservation temporaire de l'ego de Jésus. C'est ce que tout à l'heure j'expliquais, l'ego de Jésus a été placé dans une sphère double éthérique. Ce qui est réapparu devant les apôtres était nécessairement le Christ qui avait éthérifié son corps physique, donc il y avait un corps de lumière, un corps éthérique, avec une fusion totale. Et il est apparu quelque temps, il est venu faire un tour en Amérique de toute façon pendant ce laps de temps. Et par la suite, l'énergie christique est redevenue une énergie michaélienne et elle s'est fusionnée avec le plan galactique, le plan bouddhique, le plan de l'intentionnalité. Et il n'est resté comme mémoire archétypale que le passage du Nazaréen et comme mémoire éthérique, l'ego de Jésus. Jésus vivait et aimait. Pourquoi dites-vous que l'amour n'existe pas? Bon, premièrement, j'ai passé 2 heures l'autre fois à le dire. Alors, on peut se référer à la conférence « L'amour n'existe pas ». Jésus vivait et il n'aimait pas. Pas comme l'humain aime. Mais d'ailleurs, on dit souvent « Jésus a souffert ». Il n'a pas souffert. C'est ceux qui l'ont vu qui ont souffert, pas lui. Mais le film, là, qui passe actuellement sur le... Oui, ce film-là, c'est un film. Oui. Je sais, mais il y a toujours une fonction, un jeu d'initiation qui se produit à travers un film. Oui, c'est pour initier les chrétiens. Certaines avant, on les mettait dans les arènes au Lyon. Présentement, on leur présente des films. Parce que le profil de personnalité que le Christ représente dans les évangiles, c'est un gars qui n'a pas de sens d'humour, qui n'a aucune émotion, qui n'a aucun sens de la plaisanterie. Bon, le Nazaréen avait énormément le sens de l'humour. Oui, mais... Pas le sens de l'amour, le sens de l'humour. Il n'aimait pas... Ah, le Nazaréen a couché, le corps du Nazaréen a couché avec une autre bonne femme, OK. Mais on ne peut pas dire que c'est de l'amour, ça. Hein? C'est pas ça, faire l'amour, franchement. Ça, c'est pas faire l'amour, ça. On dit ça parce qu'on camoufle tout, ça. C'est ça, c'est faire ça, avoir une relation sexuelle, une grosse nuance. Bon. Pourquoi dites-vous que l'amour n'existe pas? Moi, je parle de l'amour tel que l'humain la conçoit, un amour qui peut rendre l'être humain heureux, un amour qui rend libre, un amour qui nous sécurise, un amour qui nous fait vivre. Ça, c'est une farce, ça n'existe pas. L'amour, ça rend malheureux, l'amour, ça rend jaloux, ça rend angoissé, ça rend inquiet, ça crée des guerres, ça crée des meurtres. Ça, c'est l'amour. C'est ses premières souffrances d'amour. L'amour, ça ne rend pas heureux. L'amour psychologique de l'humain est une illusion, c'est une grande farce. Le Nazaréen n'aimait pas comme ça. Mais j'ai fait d'autres conférences sur l'amour intelligent. On va en refaire une à un moment donné vers décembre. Sur l'amour intelligent, qui est un amour qui est tout à fait autre que ce que l'humain connaît. Présentement, l'humain dit qu'il n'y a pas assez d'amour sur la planète, il y en a trop d'amour. Ça a toujours été le problème qu'il y a eu sur la planète, il y avait trop de nourriture astrale, trop d'amour. Alors je m'aime tellement que je te casse la gueule. J'aime tellement mon pays que j'attaque l'autre pays. J'aime tellement mes enfants que je vole pour eux autres. J'aime tellement ma nation que quand tu me traites d'Italien ou de ceci, je te saute d'en face. Alors j'aime tellement l'argent que je la vole. Il y a trop d'amour, c'est pas grand-mère. Les parents aiment tellement leurs enfants que les enfants ne peuvent plus rien faire. Les professeurs aiment tellement leur métier qu'ils balancent carrément les élèves bien souvent. On fait des grèves parce qu'on aime encore ceci ou cela. L'amour, il en masse d'amour, il en masse d'amour. La planète est pourrie d'amour. Cet amour-là devrait porter un autre nom qu'amour. Alors, dans ce sens, si on parle d'un amour bienfaiteur, ça n'existe pas sur la planète. C'est pourquoi je dis que l'amour n'existe pas. Le Nazaréen n'aimait pas comme ça. Le Nazaréen rencontrait un individu, puis l'individu allait le voir, l'individu allait le têter, lui disait « Je suis malade, guéris-moi ». Le Nazaréen ne l'aimant pas psychologiquement, ne pouvait donc pas être manipulé par le lépreux. Il regardait la face, puis il disait « Ben oui, ben c'est ça, oui. » Et il disait « Est-ce que tu crois en moi? » S'il répondait non, il balançait là, on n'en parle pas dans la Bible. Et pourquoi il posait une question? C'est parce qu'il y a un paquet de gens qui répondaient non. Bon, alors il n'a pas guéri toute la Palestine, toute la Judée, parce que les gens ne seraient pas venus le voir quotidiennement. C'était pas un amour comme on conçoit l'amour, ça n'avait vraiment rien à voir avec ça. Imagine-toi les apôtres, ils vont tous se faire crucifier. En plus, Jean le Baptiste perd la tête à cause du Nazaréen. Parle-moi-en de l'amour. Le fils se lève contre son père. C'est pas un amour comme on connaît. C'est un amour intelligent, autre, un amour qui ne permettait pas la souffrance. Quand il dit aux zélotes d'aimer ses ennemis, ben, c'est pas l'amour qu'on connaît sur la planète Terre. C'est pas de cet amour-là qu'il parlait. Il n'y a aucun être humain qui aime d'un amour planétaire, un amour psychologique qui peut aimer ceux qui haïssent. Il peut pas. Donc, c'est pas de cet amour-là qu'il parlait. Il parlait, il instruisait simplement les sphères astrales. Mais quand il dit à l'autre, à Barabbas, aime tes ennemis, il ne parlait pas à lui pantoute. Il savait que Barabbas, c'est pour s'en aller. Il ne peut pas comprendre l'idée. Mais il y a quelque chose d'amusant, là, quand tu dis, Jésus, bon, est-ce que tu crois en moi? Oui, non, bon, ben tant pis, je m'occupe pas de toi. C'est une réponse éminemment intelligente. Oui, mais il faut faire attention aux traductions bibliques, aux traductions, etc. Oui. Mais quelle était la mécanicité que le Christ voulait induire chez la personne en lui demandant, crois en moi? Oui, c'est que le jeu de mots est intéressant, mais de toute façon, au niveau d'araménien, parce que le Nazaréen parlait l'araménien, il parlait pas lui le latin, etc. Bon. Au niveau du jeu de mots, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, est-ce que tu crois en moi? Autrement dit, il aurait pu poser la question, es-tu du même faisceau que moi? Et l'autre, par sa vibration, peut dénoter que oui. Le Nazaréen l'absorbait donc, comme j'explique au niveau du séminaire que tu as fait. Le Nazaréen, dans son contexte vivant réveillé, il a absorbé ceux qui décédaient, il se réincarnait immédiatement chez lui. Il a, dans sa descente, ramassé ceux qui étaient morts de son faisceau avant qu'il arrive. Et il était dans l'enfer, un retour en enfer après pour ramasser ceux qui étaient morts pendant sa jeunesse. Et au long de son vivant, il supportait le poids des péchés ou le poids de la misère de son monde, de son faisceau. Et est-ce que tu crois en moi? Si l'individu, c'était non, le Nazaréen n'avait rien à faire. Il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il n'a pas guéri toute l'humanité. Il n'a pas sauvé toute l'humanité, il a sauvé son humanité. C'est il y aura donc un avatar du type Nazaréen pour les 13 autres faisceaux. Mmh. C'est ça. L'avare est un des 13 faisceaux. Les antennes supramentales qu'on connaît au Québec, est-ce que ce sont des avatars de... Ça, ça les regarde, eux autres. Je ne dis pas ça, c'est un peu frustrant, mais l'affaire qu'il y a, c'est que quand on est sur trop l'astral avant son temps, ça crée des problèmes après ça pour ce personnage. Cette fois-ci, contrairement à il y a 2000 ans, pourrait-il y avoir plus que deux antennes supramentales à la fois sans qu'une élimine l'autre? Jean le Baptiste décapité au profit de Jésus. Jean le Baptiste était décapité, mais c'est à son profit, à lui. Il parlait trop. Une trop grande gueule. Maintenant, à l'époque actuelle, oui, effectivement, il n'y aura plus qu'une antenne supramentale et il ne devrait pas, ce n'est pas encore tout à fait établi, ce n'est pas encore des choix de l'humanité, il ne devrait pas y avoir de perte au profit de d'autres. Quelle différence psychologique ou autre avaient ceux qui suivaient Jésus et ceux qui suivaient Jean le Baptiste? Bon, premièrement, il faut comprendre que tous ceux qui suivaient le Nazaréen, en l'occurrence les 12 qu'il avait récupérés, plus Lazare, qui était son meilleur disciple et qui n'était même pas un disciple, qui était un ami, donc, 13 personnages le suivaient de proche. Le Nazaréen étant le 14e personnage, il y a 14 faisceaux effusés au niveau de notre monde. Donc, il y avait un représentant de chacun des faisceaux, en l'occurrence, dans les 12 apôtres, 12 faisceaux, Lazare le 13e Il en reste 13, le Nazarien ayant résorbé le sien. Lazare ayant presque résorbé le sien, il en restera donc 12. À travers les 63 apôtres qui étaient les suiveux, il y avait encore des personnages de différents faisceaux. Le Baptiste, lui, avait réussi à rejoindre quelques personnes de différents faisceaux, mais la majorité des individus étaient de son faisceau, qui était un faisceau similaire au faisceau christique, mais trop luciférien. En ce sens qu'il n'avait pas, le faisceau qui l'animait n'avait pas, donc, n'avait pas fait d'étape par le soleil. Ça paraît un peu occulte et bizarre, ce que je dis, là. Par contre, le Baptiste, à un moment donné, nuisait carrément au travail du Nazaréen, ce qui fait qu'il y a eu des manipulations pour que, on, par la ruse, on oblige le roi à tuer le Baptiste. Certaines correspondances, par analogie, peuvent exister dans la situation actuelle. Oui. Une antenne peut avoir comme fonction d'instruire l'astral et de détruire l'astral. Oui. À part deux qui suivaient le Baptiste, tous ceux qui suivaient le Baptiste avaient peur. Alors que ceux qui suivaient le Nazaréen, quelques-uns avaient peur, la majorité le suivait simplement parce qu'ils étaient de son faisceau, parce qu'il rayonnait ce qu'il disait, parce que pour eux, c'était vibrant, vivant, qu'il était un fils de Dieu, et sinon, Dieu lui-même. On parle du Nazaréen, on ne parle pas de Jésus, ça va de soi. Il y a une chose, au moins, que l'expérience nous enseigne de cette époque-là, c'est que quand tu as un contact énergétique supérieur avec l'énergie supramentale, tu peux finir par te faire massacrer si tu ne checkes pas tes claques. Ah, oh, mais les claques, ce n'est pas tellement important. Parce que les apôtres ont tous fini plus ou moins crucifiés, Jésus aussi. Tous ceux qui servent l'énergie supramentale avec le tantinet un peu d'égo deviennent des MTS, des martyrs de la transition supramentale, et normalement, ils payent assez cher du point de vue égoïque. Et comme on n'a pas le choix, tu deviens à un moment donné en contact, tu rentres en contact avec ton esprit, tu te centres lentement dans ton intelligence. Et si tu ne travailles pas suffisamment à la négoïsation, à un moment donné, tu feras un travail qui sera utile. Et quand on aura fini, parce que tu as trop d'ego, tu ne pourras pas comprendre d'arrêter. Alors on t'éliminera. C'est con. Mais c'est comme ça. Okay. Je passe maintenant à des questions sur l'Agartha et Shambhala. Est-il vrai que tous nos organes et la durée de notre vie est déterminée par Shambhala, ce qui explique qu'un homme qui tombe du 11e étage ne se tue pas? Si oui, comment se désassujettir de Shambhala? Puis l'autre question, est-ce que c'est vrai que Shambhala et l'Agartha ne sont plus habités? Bon. Shambhala et l'Agartha sont encore habités, mais de plus en plus, les individus ont tendance à monter à la surface de notre planète. C'est pourquoi on dit que Shambhala monte ou que l'Agartha arrive. Est-il vrai que tous nos organes et notre durée de vie déterminée par Shambhala? Effectivement, c'est relativement vrai, étant donné que Shambhala est la partie... L'Agartha a été une partie suffisamment satanique. La Shambhala est maintenant rendue satanique aussi, c'est-à-dire qu'on a dépassé le taux vibratoire de l'organisation, de cette société plus ou moins secrète, qui est plus ou moins éthérique, et qui avait des plus ou moins maîtres dedans. Ils maîtrisaient surtout les autres. Et effectivement, il y a une grande, grande partie du chronomètre biologique de la majorité des individus de la planète qui sont encore régis par Shambhala. Comment s'en désassujettir? On doit être capable de... On ne s'en désassujettit pas comme ça. L'être humain doit avoir une puissance suffisamment grande pour être capable d'affronter Satan, pour être capable d'affronter Ahriman, et finalement pour être capable d'éliminer son anti-homme à l'intérieur de lui. Et c'est par l'anti-homme que Shambhala contrôle. Donc, de toute façon, c'est un phénomène de mécanicité exécutoire qui est relié au plan vital et qui sert aussi de relation entre l'astral et l'homme. Lucifer contrôle Satan, Satan étant l'allié d'Ahriman, et Ahriman Shambhalaïen contrôle la structure vitale et une grande partie de l'âme de l'homme. Quand Lucifer a possédé un humain, il n'y a pas tellement longtemps, il a obligé toute l'Allemagne, possédée par les forces sataniennes et ahrimaniennes, à se monter contre l'humanité. C'était typiquement Shambhalaïen. Est-ce qu'on peut dire que pour la race neuroniquement blanche de la planète, c'est satanique, mais pour des peuples tiers-mondistes, le Shambhala peut être yavique? Exact. Voilà. J'ai appris dans un enseignement d'un grand maître que l'Agartha était habité par des êtres très évolués, étant venus de l'Atlantide. Mm-hmm. Je me pose des questions d'après ce que nous vous référez comme des êtres mauvais. J'ai pas dit mauvais. Effectivement, une grande partie de l'Atlantide a vu une évolution assez majeure. Il y a eu les Ramahal, qui étaient une des races, une des sous-races mères de la race rouge atlantéenne. Il y a eu d'autres races. Il y a eu évidemment Noé qui, dans son laboratoire de génétique, qui, lorsqu'il travaillait pour créer le chat et le chien, un support vital et un support astral pour l'homme, a pu fuir parce qu'il était un scientifique. Il a laissé une partie de son laboratoire dans les îles où il travaillait, qu'on reconnaît encore comme étant les Galapagos. Et il y avait un paquet d'êtres évolués qui, eux, avaient une science qui était en densification. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'Atlantide, il n'y a pas de terre solide, il n'y a pas de mer encore parce que le grand déluge n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que ça va avoir lieu pendant le temps de l'Atlantide où le ciel, enfin l'atmosphère se refroidissait avec le contexte planétaire, va finir par tomber en eau. Et il y a une grande partie de ces races-là qui ont habité le centre de la Terre, c'est-à-dire une grande partie des souterrains. On peut retrouver encore des canaux souterrains qui partent de certains pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Dans l'occurrence, il y en a un qui part de Tikal et qui se dirige vers Copan, au Guatemala. Ça veut dire à peu près 400 000 de couloirs souterrains. Suffisamment grand, des spéléologues ont déjà voulu pénétrer là-dedans et on pourrait facilement mettre des cathédrales à l'intérieur de ces couloirs. Et ils n'ont pas pu, ils ont été loin, mais finalement, comparativement aux couloirs, il manquait d'oxygène, les ondes radio ne portaient plus, les fils étaient pas assez grands pour faire des téléphones, et puis ils sont revenus. Et puis, par la suite, étant donné les problèmes qu'il y a dans ces pays, problèmes d'ailleurs qui servent à cacher différentes choses, comme en Amazonie où on a encore des géants qui vivent là, un peu comme nos Sasquatch albertains. Alors, il y a ces êtres qui ont vécu là. Ces êtres étaient extrêmement évolués. Évolués ne veut pas dire bon. Évolués veut dire qu'à leur contact, on se réchauffe parce qu'on est plus froid. Lorsqu'on arrive à la même chaleur qu'eux, on a des chances d'avoir la même conscience qu'eux. Et ça, ils nous l'interdisent carrément. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont besoin, ces êtres, c'est l'énergie de l'âme. De façon à pouvoir continuer leur évolution, ils se serviraient de l'énergie de l'humanité comme condensateur pour ensuite la leur voler dans des guerres et dans ce genre de choses, l'accumuler et parvenir à une fusion qu'ils ont manquée dans le passé. La majorité de ces maîtres en phase d'involution à partir de la race mère blanche, je parle de blanche neuronique, je ne parle donc pas de blanche cutanée, je ne suis pas blanc, mon papier il est presque blanc, pas moi. Je parle de race neuronique blanche. Il y a eu évolution. L'Atlantide était en phase d'involution et ces personnages ont essayé de se supporter par l'énergie de la masse planétaire pour bloquer leur involution dans le but de rester stagnant à un niveau potentiel de conscience dans l'attente que l'humanité recommence à se réchauffer. Alors, ils vont l'aider à se réchauffer pour bénéficier de leur énergie. Quand l'humanité arrive à l'énergie de ses maîtres font tout pour que l'humanité cesse d'évoluer et émette de l'énergie de façon à ce qu'eux puissent s'en servir. C'est pourquoi ils ne sont ni mauvais ni bons, ils font comme n'importe qui d'entre nous, ils essaient de s'en sortir. Sauf qu'ils s'en sortent et de notre point de vue, ils veulent s'en sortir sur notre dos. Et de ce fait, moi, je m'y oppose. Qu'ils s'en sortent sur le dos des autres, ça ne me dérange pas, mais pas sur le mien. Pour compléter la question sur les faisceaux, de quel faisceau est relié Mère Saptrem et Aurobindo? Très intéressant. Saptrem est relié à un faisceau extrêmement effusé, relié à Mère. Mère a le même faisceau que le Nazaréen et un même genre de faisceau. C'est un faisceau qu'on peut cataloguer sous le nom du 12e faisceau, qui est le faisceau de Pierre, qui est un faisceau intimement proche de celui du Nazaréen. Et Aurobindo, lui, a un faisceau qui est totalement différent. On pourrait le relier à Marc, du point de vue de notre Église. On va parler du 3e faisceau. Les couleurs sont différentes. Alors que Saptrem, lui, est relié au faisceau de mer, c'est-à-dire que c'est une effusion très, très, très diluée quand même du faisceau de mer. Saptrem n'est pas... Si on veut parler de Aurobindo, si on veut parler de mer, on ne peut pas parler de Saptrem, on doit parler de Saptrem. OK. Comme... C'est un... Faudrait que tu poses la question. C'est qui, Saptrem? C'est un bonhomme qui a vécu au contact de mer près de Pondichéry, dans le coin d'Auroville. Et qui a connu Mère suffisamment, il a suivi un peu Aurobindo, et puis depuis la disparition de Mère et de Aurobindo, bien, il s'occupe à diffuser un peu partout en Europe et ailleurs, un peu sur la planète, les enseignements de Mère. Comment peut-on savoir de quel faisceau énergétique nous sommes reliés? Y a-t-il une façon concrète de le savoir? Il y a des façons concrètes de le savoir. Par contre, ça ne sert absolument à rien de le savoir tant que ce n'est pas le temps qu'on le sache, et quand c'est le temps qu'on le sache, on le sait. Mais il y a quand même des façons de le savoir, trop long à expliquer là. D'ailleurs, quand je fais un séminaire, c'est pour cela. On passe 2 jours de temps à dialoguer, à discuter. C'est des questions beaucoup plus au niveau du séminaire, parce qu'il n'y a pas de truc pour savoir de quelle façon on est. On doit observer un peu nos agissements. On peut discuter, dialoguer, jaser. Puis lentement, à travers notre dialogue, on se réchauffe. Ce réchauffement mental de l'humain se réchauffe. À un moment donné, son ajusteur de pensée qui est connecté sur son canal réincarnationnel se détache. Et il peut commencer à aller fouiller dans l'astral, dans les archétypes. Il peut commencer à recheminer sur son cheminement réincarnatif. Il peut avoir des bribes de substances, de ce qu'il a, de quelles sont les mémoires qui le constituent. Il peut visiter différents états du passé présents dans la mémoire actuelle de notre monde. Et à un moment donné, en retournant là-dedans et toujours dans le dialogue, il va finir par pouvoir se rapprocher à une identification très particulière d'un faisceau qui peut porter une couleur. Il aura une substance de couleur ou un goût Ou encore, si on veut faire le cheminement de cette façon-là, on pourra aussi le relier à un apôtre, si on veut faire ce cheminement-là. Parce qu'il faut remarquer qu'il y a des bouddhiques, des bouddhistes qui sont reliés à des apôtres. Il y avait différents apôtres, certains parlaient l'hébreu, d'autres le latin, d'autres le grec. Alors, on s'adressait à une masse planétaire. Alors, il y a donc des Égyptiens qui sont reliés à certains apôtres, etc., etc. Alors, on pourrait faire ce cheminement pour arriver à comprendre. Et dans l'évolution même du cheminement, eh bien, on pourrait aussi parler, quand je parle du 12e faisceau, c'est le prochain faisceau à être retiré après le faisceau lazaréen. Le 3e, le 2e et le dernier faisceau, ce sera le dernier à se retirer. Sur quelle échelle chronologique le 12e faisceau va... Pas tellement étiré. Si on regarde, le 12e faisceau, lui, devra se résorber d'ici 2500 à 3000 ans. Et puis, si on regarde le dernier faisceau, finalement, c'est quand même pas tellement loin non plus, mais ça regarde quelques... pas tout à fait 30 millions d'années. Peux-tu me dire quelle est cette énergie qui se fait appeler la famille? Est-ce une partie de mon faisceau qui vit ailleurs dans l'univers et qui seront réunis avec moi quand l'esprit prendra la place de l'âme et formera un tout avec moi? C'est bien dit. C'est bien dit. Habituellement, sauf qu'on pourrait, disons, planétariser un peu plus le phénomène, la famille, ce sont toutes les mémoires expérientielles de tous les humains qui ont vécu à travers le cheminement temporel de notre planète depuis un peu plus de 4 milliards d'années et qui sont archétypalement enregistrés au niveau du monde de la mort. Et étant donné que c'est le même faisceau divisé dans plusieurs individus qui ont vécu ces expériences, ça fait partie de la famille planétaire d'un être humain. Ça ne fait pas référence au phénomène extragalactique. Quoique, si on veut monter le mot famille à un niveau cosmique, eh bien, ça peut être la même chose. Donc, la personne n'a suffisamment raison. J'ai rencontré une petite créature dans le bois alors que j'étais seul. Je lui ai demandé s'il était conscient de son genre d'évolution. Il n'a pas répondu. Il a disparu. Je ne comprends pas. Ben, s'il n'a pas répondu, il ne va rien comprendre. La petite créature fait partie des mondes de l'invisible. Ça peut être donc un farfadet, entre autres. Et étant donné que l'être humain lui a posé une question qui le place dans une conjoncture assez intéressante, celle de devoir réfléchir sur lui-même alors qu'il n'a à peu près pas la conscience de son être-té, ça ne peut faire autrement que de créer un stress majeur, et donc il baisse en vibration, et donc il est toujours là, mais on ne le voit plus, donc il disparaît. Une question infernale, deux même. De quelle façon les infraterrestres vont-ils se manifester sur la Terre, habiter d'êtres anégoïques? Comment un être suffisamment anégoïsé devra-t-il les digérer? Mm-hmm. L'autre question, comment et à quoi reconnaître que le plan infernal agit sur quelqu'un dans le sens de la possession? Dans ce cas, que faudrait-il faire pour digérer et maîtriser ce plan? Bon, premièrement, si la question se pose parce que l'individu qui la pose veut savoir pour lui qu'est-ce que c'est, il y a une réponse absolument différente de si on veut savoir pour quelqu'un d'autre. Quand ça regarde quelqu'un d'autre, ça ne nous regarde pas, ça regarde l'autre. De quelle façon les intraterrestres vont-ils se manifester sur la Terre, habiter d'êtres anégoïques? On parle donc nécessairement d'ici quelques... Il y aura des êtres anégoïques sur le plan planétaire à partir de l'an 1993, ça va commencer à être suffisamment tangible. Mais il y aura énormément de souffrance pour ces êtres, des souffrances mentales. Et il y aura des êtres anégoïques plus solides à partir de l'an 2023. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah ben moi, je suis bien trop âgé, je ne serai jamais là. » Vous savez que le temps est toujours en mouvement. Et ceux qui disent ça, ce sont des êtres qui sont manipulés par une conscience relativement médiocre. À 12 ans, on peut mourir et on peut aussi vivre jusqu'à 112 ans. Et on peut même vivre au-delà de tout ça. Les intraterrestres vont commencer, premièrement, en sortant par des manipulations au niveau de la conscience de l'homme, c'est-à-dire qu'il y aura des apparitions fantomatiques dans la structure religieuse même de l'homme, c'est-à-dire que les forces sataniques dans la structure religieuse et théologique vont recommencer à prendre dessus. On va recommencer à parler de Satan, de plus en plus du diable, de plus en plus des démons. On va recommencer à parler, à mettre en garde les gens, ce qui déjà là induit les gens à y croire, donc ouvre des portes dans le pire esprit des gens pour qu'ils se fassent manipuler par ces idéaux-là. Lentement, il y aura de plus en plus de personnes qui seront totalement possédées par des forces, démoniaques, intraterrestres, qu'on appelle aussi les forces du diable, les forces de Satan, et ces êtres humains vont faire de plus en plus de choses qui sont écologiquement négatives et qui vont continuer à nourrir le monde de la mort de façon à le renforcer. Il y aura par la suite une guerre matérielle et une guerre céleste entre ceux qui vivent d'intelligence et ceux qui vivent d'inintelligence, donc qui vivent d'émotion. Et étant donné que l'intelligence a la faculté, du moins ne l'a pas présentement, mais aura la faculté de travailler ensemble, présentement elle ne l'a pas, elle travaille encore l'une contre l'autre, de façon à ne pas trop se colorer pendant la gestation de cette intelligence dans l'homme. Et étant donné que les forces astrales ne pourront jamais s'entendre de toute manière, Lentement, la guerre de l'astral contre l'intelligence va devenir une guerre de l'astral contre l'astral. Et par la suite, lorsque l'humain sera suffisamment abîmé, le monde de la mort va être digéré encore par l'expérience de ceux qui sont égoïstes. Et lentement, on verra la recrudescence d'individus, comme l'Apocalypse en parle, comme l'occultisme en parle, et qui ne font pas partie de la conscience archétypée de notre Amérique. Mais on parlera encore une fois, on verra encore des gens qui ne mourront pas, qui seront des morts vivants, qui seront des zombies. Il y aura la resurgescence de phénomènes d'entités relativement intéressantes, avec des ailes noires, on en a déjà parlé à un moment donné. Et il y aura un paquet de bibites comme ça, il faudra qu'on produise des insecticides de plus en plus puissants pour tuer les conneries-là. Question d'émotivité. Est-ce que l'état de non-émotivité peut arriver à contrôler les différents peuples qui nous habitent? Ça va de soi. De quelle façon peut-on maintenir cet état? Si on arrive à être animotif, à vivre sans émotion, à vivre du sentiment, et pas d'émotion, lentement, tous les peuples invisibles qui habitent nos constituants vont mourir chez nous. Première réaction allergique, nous pousser au suicide. Ils voudront qu'on tue le corps pour qu'ils puissent se libérer et réintégrer leur structure du monde de la mort. Si l'intelligence qui nous habite permet au corps de rester vivant, ils vont finir par être éjectés ou digérés chez nous. Si on les digère, on aura plus d'énergie. S'ils sont éjectés, on sera subitement libre. Ces peuples, si on est anégoïque, si on vit sans émotion plutôt, on ne les nourrit plus. Affamés, ils vont vouloir nous tuer pour se libérer de nous, se nourrir de l'expérience de l'entourage. Et s'ils ne peuvent pas le faire, eh bien, ils vont simplement devoir s'en aller ou être carrément digérés par nous. Ils n'auront plus la puissance de nous contrôler. Quelqu'un qui vit animotivement, celui qui parvient à vivre animotivement, il faut faire attention. Vivre robotiquement n'est pas animotivement. Le robot n'a pas de sentiments. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau a des sentiments. Par contre, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau n'a pas d'émotion. Il ne peut pas revivre dans sa mémoire le sentiment qu'il a vécu pour la première fois quand il l'a vécu. Alors que l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien vit de l'émotion. Il vit la première fois qu'il voit une roche, il la trouve extraordinaire, il vibre à elle. Par la suite, l'ayant expérimenté, il veut revoir des choses comme ça. Ça, c'est de l'émotion. Lorsqu'il revoit maintenant la même roche, il la trouve plus aussi belle. Il ne peut plus vivre le sentiment. Pourquoi? Parce qu'il projette l'émotion en avant. Alors, lorsque l'être humain sera suffisamment émotif, il sera en hyper-contact avec l'extérieur, avec la réalité, il sera suffisamment instantané, il s'en égoïsera, il créera un double éthérique et il deviendra immortel. Est-ce que les émotions positives ou négatives, exemple joie ou peine, est-ce que les deux nourrissent le monde de la mort? Oui. Et si oui, comment? De la même façon. Ou que doit être le comportement de l'être humain face aux émotions? L'être humain face aux émotions ne peut faire autrement que d'observer qu'il est émotif. Et s'il se frustre d'être émotif, il émet encore plus d'émotions. S'il se choque, il émet plus d'émotions. S'il se vante, il émet plus d'émotions. S'il les accrédite, il émet plus d'émotions. Il ne doit simplement qu'observer mentalement ce qui se passe et trouver ça con. C'est tout. Il n'y a pas de bonnes émotions. Une bonne émotion, c'est quelque chose. Regardez ce qui se passe. Dans l'âme, il y a un ego. L'ego est bâti de l'expérience de la création, de la fécondation, de la gestation, de la naissance et de toute éducation jusqu'à maintenant. Chaque fois que l'ego vit une bonne émotion, c'est lorsqu'il peut se nourrir d'une expérience. Ce qui constitue l'ego est constitué de part de plusieurs agglomérats. Il est pluriconstitué. Et cet ego a besoin de s'exprimer pour savoir qu'il est là. Pourquoi l'humain veut tant s'exprimer? Sinon, il s'ennuie s'il n'arrive plus à s'exprimer. Et il y a une expression très égoïque qui dit mourir d'ennui, c'est exact. Si l'ego ne s'exprime pas, il s'oublie, s'oubliant, il meurt. Il disparaît, il devient de l'énergie vitale. Et l'autre, c'est de se nourrir, entretenir les stimuli qui ont créé l'ego de façon à ce qu'il soit énergisé pour ne pas s'oublier non plus. Lorsqu'une énergie, une expérience, une donnée, une perception amenée par les sens arrive jusqu'à l'âme et, traversant l'âme, pénètre dans les mémoires volatiles pour aller influencer l'ego, lorsque cette énergie ne nourrit pas l'ego, ça vient brasser dans l'ego, ça vient brasser les mémoires volatiles, ce qui crée une expérience intra-amique qu'on appelle l'émotion, une émotion qui ne nourrit rien. Cette émotion, à la longue, peut créer un agglomérat extérieur à l'ego, et ce qui cela engendre une peur massive de l'ego de devoir partager son corps avec une autre entité, un autre ego. Alors, l'ego va donc réagir d'une façon extrêmement déplaisante, et dans l'expression désordonnée de sa réaction intra-amique, il engendre une expression endocrinine dans le corps physique qu'on n'aime pas. L'ego ne se reconnaît pas dans l'expression qu'il émet là. On parle donc d'une mauvaise émotion. Une bonne émotion, c'est lorsque l'ego reçoit en plein ce qu'il a besoin, l'expérience intra-amique qu'il émet. par le biais de la membrane périspiritique, par le biais des neurones, le système endocrinien et le corps physique, lorsqu'il peut le relire, il se reconnaît. Il parle de bonne émotion. Alors, mais dans la réalité cosmique des choses, dans les deux cas, on exprime dans le corps physique et sécrétant d'une façon trop dense, on drogue notre corps, on le détruit. Une nuance d'émotion. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit lorsque nous ressentons une émotion douce amère? Je trouve cette sensation très bizarre. Bon, dans l'esprit, il ne se passe rien. Par contre, dans la conscience astrale de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a deux formes. Premièrement, deux formes d'expression astrale. Premièrement, il y a un contact relativement bizarre, un contact d'énergie qui n'est pas reconnu par l'ego, qui peut provenir du monde de la mort ou encore des sphères mentales ou supramentales. Et ce contact n'est pas... Il est en affinité vibratoire avec, il est ressemblant à certaines formes d'énergie constituant l'expérience mémorielle de l'ego. L'ego, donc, s'en abreuve, mais ne reconnaissant pas la source exacte, il en a peur. L'expression de cette joie et de cette peur engendre une expression émotive qui est une espèce de bi-sentiment. Et c'est simplement ce qui se passe. Tu dis qu'une femme se réincarne en femme et un homme en homme. Ensuite, tu dis qu'un parent se réincarne dans son enfant. Un père doit-il faire des filles jusqu'à temps qu'il fasse un fils pour se réincarner? Dans le corps de l'homme, je n'ai pas dit qu'un homme se réincarnait en homme. Je dis que les mémoires masculines se réincarnaient dans des corps masculins, que les mémoires féminines se réincarnaient dans des corps féminins. Cela veut dire aussi que toutes les mémoires infantiles que vous avez eues et qui sont restées infantilement mémorisées chez vous se réincarneront dans un corps d'enfant, pas dans un corps d'adulte. Et lorsqu'un père engendre des filles, il y a une grande partie du père qui, de toute façon, connaît l'expérience féminine et qui va se réincarner dedans. Tandis que le reste du père devra se réincarner dans les enfants de la fille, dans les enfants des enfants de la fille, dans ses cousins, dans quelqu'un de la lignée familiale qui, à un moment donné, aura un corps physique qui attirera les mémoires masculines qui y ont habité dedans. Simplement. Une appréciation de conjoncture ici. Le supramental fesse dans le tas. Le Saint-Sueur fait suer les gens. Ben Johnson perd l'or. Le Canada, le Nord. Le chemin de la croix, Pierre, n'est plus juste un titre d'émission pour lui. Et Patrick Normand fait des disques. Le bouddhique est-il en chômage ou s'il l'était, Patrick Normand vendrait-il plus de disques encore? C'est intéressant. Tout ce qu'on a sur cette question, c'est la preuve qu'il y a énormément de phénomènes astrales involutifs qui tentent de récupérer l'humanité qui se réveille vers l'arrière. Et c'est simplement petit rat de l'astral qui va s'amplifier avec le temps. À un moment donné, il ne rentrera plus, il va carrément vomir. Je m'observe tellement que j'ai l'impression d'être un observatoire. Se peut-il que l'ego s'observe lui-même à travers ses nombreuses personnalités réincarnationnelles? Probablement, c'est marqué récréationnel. Réincarnationnel. Non, ce semble être récréationnel. Fie-toi à l'écriture. Alors, ce qui arrive, c'est que le mental, lorsqu'il est suffisamment évolué, il devient un miroir absolument parfait pour l'ego. Et lorsque le mental observe l'ego, c'est un phénomène qu'on voit se découvrir, qu'on voit se développer chez soi lorsqu'on continue à accepter du neuf et qu'on refuse le vieux, la tradition. Et lentement, lorsque l'ego observe, se voit dans le mental, il se voit tel qu'il est et non pas tel qu'il voudrait être. Et un ego suffisamment intellectuel peut s'amuser à se regarder, à se trouver cute ou laid, puis à s'en nourrir. Vu que l'ego est plus reconstitué, plusieurs personnalités sont réfléchies au niveau du mental. Le mental observant est en contact avec l'ego. L'ego expérimente toujours l'observation mentale. Alors finalement, l'ego commence à s'amuser de cela. Il peut s'amuser ou ne pas aimer ça. Mais effectivement, l'ego peut devenir... peut s'amuser à s'observer. On parle d'observatoire. Chose certaine, c'est que si on observe, qu'on observe, c'est le mental qui observe, qu'on observe. Observatoire ou pas, c'est la solution. J'ai des questions de cellularisation. J'ai beaucoup de temps consacré à mon évolution, mais pas d'argent. Y a-t-il des moyens qui me permettraient de cellulariser mieux et plus rapidement? Si oui, quels sont-ils? Parlez-en. Puis autre question, donne les moyens et leur mécanicité afin de cellulariser plus efficacement. Je veux bien accepter de servir l'intelligence en appliquant ce qu'elle me fait voir d'intelligent. Ne pourrais-je pas faire un pâté avec elle pour qu'elle me rende matériellement à l'aise? Un pacte? Oui, un pacte. Avec elle pour qu'elle me rende matériellement à l'aise, afin que je puisse mieux la servir sans être le jouet imbécile. Si oui, comment? Exemple, pour me rendre à un endroit où j'ai un travail intelligent à faire, qu'elle me donne un bolide pour m'y rendre plus rapidement sans problème au lieu d'y marcher au grand fret. Donc, si on recommence, là, il y a une question sur j'ai beaucoup de temps à consacrer à mon évolution, mais pas d'argent. Y a-t-il des moyens qui me permettraient de civiliser mieux et plus rapidement? Pour évoluer, on doit être riche. Toutes les religions l'ont enseigné. Pour arriver à cellulariser plus rapidement, on doit aussi avoir de l'argent. C'est essentiel. Pas d'argent, pas d'évolution. Les portes du ciel sont ouvertes aux riches. C'est un péché d'être pauvre. Il est plus facile à un chameau de passer par le champ de l'aiguille, qui est une des portes de Jérusalem, qu'un riche d'entrer au ciel. C'est vrai. La seule chose qu'on doit comprendre, c'est que le riche, celui qui ramasse de la matière et qui en jouit, celui qui place son énergie dans la matière pour en jouir plus, n'est pas un riche. C'est un riche comme on le conçoit, mais c'est un riche imbécile. C'est pas de sa faute. Alors que celui qui ramasse de la matière dans le but de s'en servir comme outil, celui qui ramasse de l'argent dans le but de la dépenser, pas de la gaspiller, de l'investir, de la transmuer en énergie évolutive, en énergie de santé, lui, c'est un vrai riche. Il place ses trésors dans le ciel, dans son contexte astral. La personne qui a beaucoup de temps mais pas beaucoup d'argent, ou pas d'argent du tout dans le but pour évoluer, elle doit, premièrement, savoir que seul celui qui se libère de la matière peut devenir libre dans sa conscience. Et on se libère de la matière de deux façons. Par l'involution ou par l'évolution. Il y a deux infinis, un qui tend vers zéro, un qui tend vers l'absolu. Celui qui fait l'abandon de tout et qui décide de mendier va vers le zéro. Celui qui, par contre, commence à apprendre la structure pour contrôler la matière, il tend vers l'infini. Les alchimistes ont essayé. La place de Marie ainsi que l'île des Sœurs appartenaient au Saint-Christ. Les religions ont eu suffisamment de pouvoir financier. Les jésuites étaient des commerçants hors pair. Il doit y avoir de l'énergie financière, parce que l'énergie financière est de l'énergie divine. Avec de l'argent, on peut se permettre des choses. Mais surtout, si on a l'intelligence de gérer son argent, on se libère de la matière. On est de moins en moins l'esclave des nécessités matérielles. On peut aller dans un pays où vibratoirement on doit aller. On peut suivre un cours qu'on veut suivre, à l'université, au cégep, dans une école privée, dans une école ésotérique ou quoi que ce soit. On peut faire des dons dans le but d'éliminer certaines phases karmiques. Celui qui n'a pas d'argent et qui a beaucoup de temps doit maintenant s'acheter des livres pour pouvoir apprendre comment faire de l'argent. Il ne veut pas travailler, il a perdu le goût. Qu'il s'inscrive à l'école, qu'il recommence, qu'il se bâtisse de l'expérience ou de l'éducation des connaissances pour se trouver un emploi. Il doit travailler dans le but de contrôler la matière, et la matière est totalement inclue dans le phénomène de l'argent. Ça ne sert à rien de vouloir continuer à évoluer sans argent. Ça ne marche pas. Si, par exemple, je dirais, ceux qui n'ont pas d'argent, une fois par année, je fais un séminaire gratuit pour eux autres. Premièrement, le séminaire n'aura aucune valeur pour eux. La majorité viendrait s'amuser, même s'ils disent que non. Deuxièmement, j'en ferai des débiteurs. Ils me devraient tous quelque chose, karmiquement. Je peux dire, on n'a qu'à donner. Ça ne change rien. Je risquerais d'être un maître. Je ne veux pas. Par contre, si les gens doivent payer, ils achètent. Achetant, ils ne me doivent rien. Je ne peux pas être un maître. Je peux être un livre. Je peux être intéressant. Je peux être tout ce que vous voulez. Pas un maître. Et ils partent avec eux ce qu'ils ont pris. C'est à eux. Ils ne doivent absolument plus rien à personne. Et en plus, ils permettent, s'ils font mon séminaire, par exemple, en me payant, ils permettent aux structures du centre de continuer à être, ce qu'ils ont besoin. Ils me permettent de vivre, ce que j'ai besoin. Sinon, je dois faire d'autres métiers. Et je n'ai plus le temps de communiquer. Ça ne me dérange pas au niveau de l'évolution, mais ce n'est pas ce que je fais présentement. L'individu qui n'a pas suffisamment d'argent pour évoluer, c'est qu'il est dans une phase où son ego est plus puissant qu'il le croit, et c'est un ego qui lui fait comprendre qu'on n'a peut-être pas besoin d'argent, ou un ego médiocre qui lui fait dire qu'il n'est pas fait pour avoir de l'argent, mais il a un ego beaucoup plus puissant qu'il pense. Il y en a qui ont de l'argent et qui sont crétins, il y en a qui n'ont pas d'argent et qui sont aussi crétins. Il y en a qui ont de l'argent et qui s'en servent convenablement, et il y en a qui n'en ont pas, et qui devraient maintenant travailler dans le but de contrôler le phénomène de la matière. Très important, on ne s'en sort pas. Je veux bien accepter de servir l'intelligence en appliquant ce qu'elle me fait voir d'intelligent, mais ne pourrais-je pas faire un pacte avec elle? Je t'arrête immédiatement. Je veux bien servir l'intelligence à la condition que, donc elle n'est pas prête encore à servir l'intelligence. À l'instant où elle ne demandera plus rien et qu'elle sera suffisamment égoïque, elle sera libre. Par contre, il y a des parties de son ego qu'elle ne voit pas, que l'intelligence voit. L'intelligence la fait travailler comme elle la fait travailler, de façon à ce que l'individu, consciemment ou pas, poursuive son anégoïsation, la création de son double éthérique qui la conduit sur les chemins qu'elle devra aller, qu'elle devra suivre. Alors, il n'y a pas de pacte à faire avec l'intelligence supramentale. Il n'y a rien, absolument rien à faire là-dessus. Le pacte, c'est entre l'ego et l'intelligence. Alors, ça ne marche pas. Non. Donne les moyens et leur mécanicité afin de se solidariser plus efficacement. On continue à faire ce qu'on fait, c'est les moyens. Est-il vrai que la pensée peut se matérialiser? J'ai lu un livre de... Non, la pensée, c'est un peu moins que de la merde. À part manipuler l'humain, à part lui donner des illusions, à part le hanter la nuit pour empêcher de dormir, à part vomir dans sa conscience des choses qu'il veut oublier, à part lui le faire haïr quelqu'un, à part etc.